Tu te montes une vie, t'es plein de calacalacalage. Moi, je suis enfumé, tu cherches un calacalacalage. J'aime si tu veux mes tests, mais t'as pas la palapalage. Pas la palapalage, pas la palapalage. Ah, je rappe mon son, cousine. Je suis venu pour tout niquer, je l'ai fait maintenant, t'hallucines. Ah, dans mes clips, ils veulent que je fasse le signe. La vie, c'est chaud, ça peut venir fumer dans ta piscine. Sinon, mes potes sont fous comme Rina, ils veulent la Sicile. C'est tu le qui rappe, Sicile, pose-toi et apprécie. Ça fait ainsi que je rappe, que je pose, que le micro, je le dose, que je les marque, que je m'impose, que je les baise, ils ont mal, je suis un homme, y'a rien de mal, disque d'or, je suis le même, je suis au quartier normal, je suis toujours contre l'état, je vois mes frères au guetta, je s'inquiète ses guetta, ça charbonne avec un bébé retard. Wesh alors les frérots, ça change de numéro, ça m'esquive pour une mise, en plus ça joue les Roméo, c'est la cri, son mic, le niveau, je le Roméo, check à l'ancienne avec les flics, ça faisait des rodéos, Achaïa la Mondeo. Je m'y attendais, je dormais pas quand ils sont venus soulever mon petit frérot. Ça parle des kills de Kalash, ça se les vide au Dallas. Ça se verrait bien comme Tony avec un tigre dans le palace. Ça donne des go, c'est salace, viens pas me coller, c'est pas la peine. Je me mélange pas, je veux pas qu'on me retrouve mort dans la benne. Et je vois ma tête à la télé, tout le quartier sert gros. Ils s'attendaient à ce que je me la pète ou à me voir faire le gros. Tu t'inventes une vie, t'es plein de calacalacalage. Moi je suis enfumé, tu cherches un calacalacalage. J'aime si tu veux mes tests, mais t'as pas la palapalage. Pas la palapalage, pas la palapalage. Non, je me la pète pas, moi. J'reste moi-même. Non, je me la pète pas, moi. J'reste moi-même. Tu demandes une vie, t'es plein de calacalacalage. Moi, j'suis enfumé, tu cherches un calacalacalage. J'aime si tu veux mes tests, mais t'as pas la palapalage. Pas la palapalage, pas la palapalage. Non, je me la pète pas, moi. J'reste moi-même. Non, je me la pète pas, moi. J'reste moi-même. J'rappe le terre-terre, au check c'est la guéguerre. Tout le monde sait que t'es une victime, mais toi non, tu fais le déter, pépère. Sortis moi sans le parfum terre d'Hermès. Les folles Marcel va dire à mes ex d'aller se faire mettre. Ah, comme j'ai maman, c'est trop. J'me la pète pas, c'est faux. Regarde-moi les séquences, ils me critiquent d'après les infos. J'prends mes voleurs, mes cassos qui cassent des vitres pour avoir l'heure. Pour ce qui baise avant l'heure, pas pour les bandeurs à valeur. Après Tonic, c'est mort. Putain de vie, elle est hache, hein. Moi, je suis frère, j'pourrais pas aimer une fille si elle est moche. J'pourrais pas dormir la nuit, j'serais obligé de la laisser. Moi, je les aime belles, j'aime quand elles font travailler les fessiers. J'crois que t'es une star, mais dans ta bulle, t'es rien. J'ai l'air calme et j'ai la rage d'un bulle terré. Voilà, mais tu me fais quoi là? Vas-y, viens pas là. Où ils sont les MC pour moi? Ils sont pas là. Parler de moi, de dire que tu vas me monter en l'air. Petit fils de pute, à ta mère. À ta mère. À ta mère. Tu t'inventes une vie, t'es plein de calacalacalage. Moi, j'suis enfumé, tu cherches un calacalacalage. J'aime si tu veux me tester, mais t'as pas la palapalage. Pas la palapalage, pas la palapalage. Tu t'inventes une vie, t'es plein de calacalacalage. Moi, j'suis enfumé, tu cherches un calacalacalage. J'aime si tu veux me tester, mais t'as pas la palapalage. Pas la palapalage, pas la palapalage. Non, j'me la pète pas, moi. J'reste moi-même. Non, j'me la pète pas, moi. Moi-même, demande une vie, t'es plein de calacalacalage. Moi, j'suis enfumé, tu cherches un calacalacalage. J'aime si tu veux mes tests, mais t'as pas la palapalage. Pas la palapalage, pas la palapalage.